depuis le bail, le blast stagné. Mais du fond de notre cave, notre flon l'a affiné. Alors lève donc continuer, car sur ce morceau, on vient de faire sautiller. Pas besoin que j'en fasse trop, je sais que tu vas apprécier. Mais si ce n'est pas le cas, va te faire enculer. C'est 9-4 au mic, il n'y a pas de mic-mic. Mais c'est toujours les Mac, promis, on te nique. Augmente donc ta sonnerie, laisse faire mes pelles. Ouais, mes dreams en frac, mes blagues viennent distribuer des claques. Chia, disque sous les ondes, RCN on gronde. Comme le tonnerre, et cogne comme le soleil, en plein mois de juin. Une demi-douzaine d'MC sortis d'usine, refus de céder l'accès au bois. L'émeute causant refuge, l'aide bornée en moi, foule grabuge, mort méné au bois. J'emboîtant, gros bouge, M t'envoie. Bois tout, blague sans noix, représente l'émeute, bruit de tambour. Cherche la four, sacrifice, glambla, nocif pour vos sacrifices. Bonacré, venant de Conakry, corps rageur, regard lueur de l'entourage. En tout rouge, Conatrier. Bleu, vert, jaune, rouge, c'est les meutes, blabla. Entrée. On est juste une demi-douzaine d'MC. Cherche des dollars, des billets verts, remplir le frigo. Juste une demi-douzaine d'MC. Et prends les arts, toujours un chic qui fout le bazar. Juste une demi-douzaine d'MC. Et kite les arts, soldats durs, y'a pas de hasard. Juste une demi-douzaine d'MC. Une polaire, c'est le clan bla, sans mal à tout l'air. 4500, c'est là où je réside. Je suis grossier, je représente les blagues de ma tête qui aime grosser. La cruauté sort de mon rap cru, même les hypocrites s'accroupissent devant un crew en qui ils ont à peine cru. Un textuel fait sous marron, faut pas que tu sues comme un dollar sur ces shots qui chient son shit. Au boy, au détail, tête rasée, mon phrasé, un produit construit prêt pour en écraser. Tu flattes mon flow stupéfait, hein. Tiens, mon style le voilà, tais-toi, même pas muslim, tu cries wallah. Je suis fier d'épater les MC de mon fief, c'est des fessés que je distribue, fils, sois pas stressé. Au contraire, tes rimes tresselées, c'est du 9-4 ou don Bolabé préparé pour en frustrer. Loin d'être un gangster, nada caché dans le holster, entrée un grand mystère. Je rêve d'être le master, rappeur, auteur, compositeur. Et ça va le faire, ma ganache sur un poster. T'as la panache dans les concerts, c'est à ça que je sers. Mes lyrics restent sincères, sinon à quoi bon se faire sert. Fais belek frère. On est juste une demi-douzaine d'MC qui déboule et prend la maille sans dire merci. Fume que la scène si, non à la gare est si. Demande-moi l'émeute et tu me diras merci. On est juste une demi-douzaine d'MC. Cherche des dollars, des billets verts, remplir le frigo. Juste une demi-douzaine d'MC. Et moins les arts, toujours un chic qui fout le bazar. Juste une demi-douzaine d'MC. Et kite les arts, soldats durs, y'a pas de hasard. Juste une demi-douzaine d'MC. Une polaire, c'est le clan blanc, sans moi la tout l'air. Y'en a plein qui jactent sur mon couple ou mon couplet. Et mes gammes disent, vas-y Kiro des couplets. Donc j'coupe là, garçon j'coupe les cons. Ceux qui continuent à tchat, j'dis leur j'coupe les cons. Perdu de vue, j't'envoie des rimes à perte de vue. T'es perdu, rembobine équipe ma voix sur l'instru. Sauf qui peut pauvre type ou on t'envoie l'équipe des types. T'as trop de toupet, lyrics fusil à pompe, tu fais la toupie. Baisse mon slip, tu me tailles une pipe. Pipe, un petit peu. Ça part en cafouillage, si MC façon camouflage. Pas le temps de jouer, on a passé l'âge. Trop taspé dans les putains de loges. Yeah. OCB original comme clan bla. Rap pour la passion, pas pour le blé. Des mecs de rue rapaces comme le crew. Jogging jusqu'aux genoux, les meufs fait son show. Nique les couleurs, j'suis pas plein de crips. Rien à foutre, j'suis un plat qui rappe pour ma pips. Que mes soldats lèvent les mains en l'air. Black Bill et Rical façon homme de fer. On est juste une demi-douzaine d'MC. Cherche des dollars, des billets verts, remplir le frigo. Juste une demi-douzaine d'MC. Et moins les arts, toujours un chic qui fout le bazar. Juste une demi-douzaine d'MC. Et kite les arts, soldats durs, y'a pas de hasard. Juste une demi-douzaine d'MC. Une polaire, c'est le clan blanc, sans moi la tout l'air.